avec encore façon. Allez, voilà comment on s'amuse. Si y'a des karachika, on se déchaîne. Hey, on saute. Position de tir et tout le monde. Descendez. Au milieu. Voilà, c'est ça. Azamoko, toke ne balé to zumbisité, toko kende si koyo ko peche wapi. Na terrasse. Nana ma jaka jaka tete, on y fait ya, te gosperari. Bingo ya, arbitre pe, azalaka ne kip nae akumisaka. Na lingala na lingaka yo, na jiru bachi mukulama, na jiko. Maître Jamos full option. Nation Miller Lutelo, le travail d'abord. Gridge Bagaya, Alain Mouguiza. Marcelin Minako. Jacques Roger Mouzinga. Awa Nazome Laboye. Aussi tu veux bien. Ce qui n'a langue, et cause à la faute, la vie. Jacques Kikita. RDG à Lubumbashi. Assistanza ILK, Didier Kalongo, JMC, Gaston Chenda, JPX, Denis de Babongo. Serge Denis Maestro Handicap Bio. Faire gagner la merveille et j'ai quitté William Sayel à côté et Wing. Rocky di Kabaka Thierry Mongita na Yolo. Malou des bosquets, le petit Kourou Kourou, l'ingénieur full JP Kiss. Bonne raison pour l'ombre à la dégalia. C'est ma soeur de contre, mais qui te gore, va dans cette prime à foudre. Cédric Fadji, Junior Miyak et Fiston Manissa, Gelor Zongo, Gelor Onema. Tina Mangaya, Dark la japonaise. Allez, attaque, attaque, attaque. Patrick Ndani, John Nani. Fatigué, Vite Kapata. Grâce à l'Omami, Niwa Mambo Star. Sila Bissalou, DJ Elon Star. Melis Mabika. Et Petit, Et Petit Nassau. Honorable. Bébé Otino. Merci mon pote, la papa pour cette passe à mort. Guérez-vous un moyen. dansa ba boys. Dopina ma vina ba boys. Ali dansa ba boys. Dopota na nenga ba boys. Anga ba gana gana bala. Albert Fondon. Na koma na fia di banda. Na koma ko vivre ne kengi. Patrick Lugan. Oye na kabore na beba. Ati ma be ekoti. Ali ma be ekoti. Ali ma be fini. Ali ma be ekoti. Oye kuya. Nika adoro. Willy Musheni, Hervé de Tele, Androas in Yahoo, Naluka Gaye, Nazirelo, Nako Baba, Ibeno, Bobawa, Luka Gaye, Dibitri Bayen Lisa, Ale ma bebe Foti, Ale ma bebe Fini, Ale ma bebe Foti, Mobawa, Lodi, Oye Boya, Sika Bolo, Manisa, Aria, ma bena, ma belena, Ale da Sababos. Jajake malulu boss, ale volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan yele le volan Vola, vola, toke, vola, ali vola, yele le vola, Rodolphe tu bana vola, kita polo nilo, ali ya bilogo na ye samprenya, edi distona ye, ali ya bambogo ya terre na ye, ali da sababa, sayi na mwana mvwa mwa, na beta mwa, na dona mwa mwa, ali na beta mwa, DJ Frank le maestro, Raoul Ominga, Constant Omari, Ahmed Bakayoko, Jean-Jacques Tamboé. Un homme averti en faute. Mamie, t'as un pommier. Soupio. Evelinda Kwamlinga, la sonnerie au tir comme on a eu. Robert Braza, volcan, metta biloko, y'a perro à l'ando, y'a koufa tigila. Superstar, Abax Moussa, souvenir de Paris, Rock Taranko, Papa et Lucien et Bata, Papa Nali, Claudicia, Ander Djoko Bakou Bambé, Papa Jalou Batoni, Papa et Papa, Talamouana Nayo, Papa Lamouri, Talamouana Nayo, Papa Saint-James et Rose, Toto Roba, Papa Nali, Colo, Angèle Nokoussa. Yapoli, bouge mal Afrique s'il vous plaît. Alerte rouge. Amadang amayangome, mami chula Congo.

grand, grand, grand maître. Saint-Étienne. Dorcas, Espé Majuda, Laetitia, Lily, Mireille, ma petite Yassou. Costa, Omar y Mo. Jeanne Moukoko, Luiso Colombo, Makatuma, Mombasa. Félix Mandombo, Roger Sigle Grand Matador, Adida Kiesi, papi Ekoto, et Pasco Linda, pour papa de vos poches à ma tête, mise à son nom. Maman, bébé, qui vous bat, ça te tue. Sambo, Pablo Kimbeni, Mimi Dispiga Betite, Ela Sede Kuntimu Kasusani, Molo, Trinita Tusumbi, Dibi, Hadula, Midi, Tumani, Roger Wanangi, Anabadi, Seba Bakai, Jean-Paul Dambana, Ela Sede Kuntimu Kasusani, Kuwe, Chete Matusumbi, Dibi, Hadula, Midi, Tumani, Anabadi, Maria Bebuto.